Bonjour à tous et bienvenue pour la deuxième saison de Mission Impossible. Notre mission, vous expliquer les phénomènes scientifiques du quotidien et mieux encore, le fonctionnement passionnant de nos industries. Pour cela, nous disposons de 30 minutes au cours desquelles nous expliquerons, discuterons et viendrons à votre rencontre pour percer des mystères scientifiques. Qui sommes-nous ? Une équipe d'étudiants ingénieurs de l'ENSIC, totalement animée par les sciences. Notre école, l'ENSIC, vous la connaissez. Présente à Nancy depuis 1887, elle se situe près de la pépinière. Son credo, c'est de transmettre les méthodes physiques et chimiques qui permettent de transposer à l'industrie ce qui se passe à l'échelle du laboratoire. Rien ne lui échappe. Chimie, énergie et environnement, tous les grands enjeux actuels sont concernés. J'espère que vous passerez un bon moment en notre compagnie. Aujourd'hui, c'est notre première émission et cette émission vous sera présentée par trois chroniqueurs. Thibaut. Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous parler d'une chronique sur le dihydrogène. Axel. Bonjour à tous. Alors moi, je vais vous parler du rôle de la mousse dans le nettoyage. Et pour finir, Laurie. Bonjour à tous, donc moi je vais vous parler de la dialyse et je vais même commencer tout de suite. Donc comme vous le savez tous, il existe dans notre corps certains organes qui effectuent un rôle spécifique. Parmi ces organes, on peut retrouver le rein. C'est un organe qui est réellement important au sein de notre corps puisqu'il va permettre de filtrer tous les déchets de notre organisme. Concrètement, le rein va servir de filtre pour éliminer les déchets et les faire passer dans l'urine et va aussi réabsorber l'eau dans notre corps. En revanche, certaines personnes souffrent d'un dysfonctionnement du rein qui s'appelle une insuffisance rénale qui fait que le rein ne va pas fonctionner correctement dans l'organisme. Et dans ce cas-là, les déchets vont s'accumuler dans notre sang qui va devenir intoxiqué. Et donc, pour remédier ou pour pallier ces problèmes de rein déficient chez les patients, eh bien la médecine a inventé une méthode scientifique qui va permettre de réaliser la filtration à la place du rein. Et cette méthode, c'est ce qu'on appelle la dialyse. Ou encore la méthode dite du rein artificiel. Et la dialyse est une technique de purification du sang à la place du rein. Le principe de la dialyse, c'est la séparation de deux liquides qui vont être de composition différente. Et cette séparation, elle va se faire à travers une membrane. La membrane, c'est comme une passoire ou un tamis. C'est une paroi qui va être poreuse et qui va laisser passer les molécules qui ont une certaine taille et qui va retenir les molécules qui sont trop grosses pour la passer. Pour vous faire une idée, c'est comme le tamisage de la farine ou encore l'égouttage de pâte. Et donc, comme je viens de vous l'expliquer, la dialyse va remplacer le rein et va donc servir de filtre à particules. Bien sûr, quand je vous dis filtre, vous pensez tout de suite, par exemple, à votre filtre à café. Mais là, c'est un petit peu différent puisque ce système de filtrage, au lieu d'être vertical, va être horizontal. Et dans ce système, on a d'un côté les molécules qui sont bonnes pour l'organisme, et de l'autre côté, on fait passer les mauvaises molécules pour les retirer du sang. Et donc, bien sûr, comme la filtration se fait horizontalement et non verticalement, les particules ne vont pas tout de suite de l'autre côté comme pour votre filtre à café. On comprend bien que verticalement, les particules vont passer facilement de l'autre côté du filtre par la gravité et par le poids. On peut se dire que le liquide est entraîné et tombe pour former votre café. Et donc, on peut se demander comment les molécules, elles vont traverser cette membrane horizontale dans le cas de la dialyse, puisque leur poids ne va pas jouer. Eh bien, ça va se faire par ce qu'on appelle l'effet de diffusion. Mais c'est quoi concrètement l'effet de diffusion ? Tenez, par exemple, si vous avez une cuve dans laquelle vous mettez d'un côté de l'eau avec beaucoup de colorant rouge, et de l'autre, vous mettez beaucoup d'eau avec un tout petit peu de colorant rouge. Et qu'au milieu, vous mettiez une paroi poreuse, donc une membrane. Eh bien, vous allez observer que progressivement, vos deux liquides de chaque côté vont commencer à arriver à la même couleur de colorant et donc le même rouge finalement. Et donc là, c'est l'effet de diffusion que l'on va observer et qui va avoir envie d'aller vers des états d'équilibre. On peut aussi se dire que la nature n'aime pas le désordre. Eh bien, les déchets dans le sang vont se comporter de la même façon que le colorant dans l'eau. Et donc, d'un côté, on aura ces particules qui sont contenues dans le sang et de l'autre, il n'y aura rien. Et comme on veut tendre vers un équilibre, les molécules vont avoir tendance à traverser la membrane pour réajuster les deux liquides. Et donc c'est ça qui va régir la filtration lors de la dialyse. Et c'est ce principe qui est effectué en médecine et dans les hôpitaux pour soigner le cancer du rein ou les insuffisances rénales. Cette technique va donc permettre d'enlever du sang les molécules nocives et surtout d'éliminer l'eau en excès dans l'organisme. Et c'est là qu'on comprend bien le nom de cette opération, qui est donc la technique du rein artificiel, puisqu'elle va permettre de faire le même travail que le rein dans l'organisme et donc de sauver de nombreuses vies. Merci Laurie pour cette chronique. Grâce à toi, j'ai découvert le principe de la dialyse. Donc, il est vrai que je n'avais jamais entendu parler de cette technique. À présent, Axel va nous parler des tensions actives dans le rôle des solvants. Alors, cette rubrique, elle m'est venue tout bêtement sous la douche. Donc, vous en faites pas, il n'y a rien de suspicieux. Mais selon vous, est-ce qu'un savon qui mousse, c'est un savon qui lave bien ? C'est-à-dire que si je vous mets deux savons, un qui mousse très peu et qui glisse sur le corps, et un autre qui mousse abondamment, selon vous, lequel lave le mieux ? Pour moi, le savon qui mousse lave le mieux. Je pense pas que Laurie. Okay. Moi aussi. Et du coup, on est allé dans la rue et entendre les réponses de certains auditeurs. Alors, je pense que cela dépend des produits utilisés dans le savon. Pensez-vous qu'un savon qui mousse est un savon qui lave bien ? Eh ben, je pense oui, parce que la mousse, eh ben, dedans, il y a le parfum et la douceur d'un savon. Et du coup, c'est bon pour le corps. Pensez-vous qu'un savon qui mousse est un savon qui lave bien ? Non, c'est un savon qui lave bien, n'a pas besoin de mousser. Exemple, le savon de Marseille. Les savons qui moussent, c'est uniquement des tensions actives qui sont rajoutées par les industriels. Est-ce que pour toi, si ton savon ou ton shampoing y mousse, ça te rassure et est-ce que ça témoigne d'une certaine propreté ? Alors non, je pense pas que la mousse, ça soit un gage de propreté, mais est-ce que ça me rassure ? Oui, un petit peu sûrement, mais néanmoins, je pense pas que ça soit vraiment utile pour qualifier la qualité d'un shampoing. Voilà, et bien figurez-vous que ce n'est pas la mousse qui témoigne de la qualité d'un shampoing. Donc tout ça, ça s'explique par le rôle des tensions actives. Vous avez dû en entendre parler, on en trouve dans les produits nettoyants comme les lessives, les détergents, les shampoings. Mais si je vous dis que la mousse n'est pas synonyme de propreté, mais que c'est plus une idée commerciale qui tend à rassurer le consommateur. Bon, avant de bousculer votre rapport aux produits nettoyants, laissez-moi un petit peu vous expliquer comment ceci mousse lors du nettoyage. Alors pour vous expliquer simplement le phénomène qui caractérise les tensioactifs, je vais vous demander d'imaginer une goutte d'eau. Donc par exemple, si vous prenez de l'eau et que vous le renversez sur la table, il y a tout qui s'écoule et ça en met partout. Par contre, si vous déposez juste une goutte sur la table, celle-ci, elle ne s'aplatit pas et elle reste un petit peu bombée. Sinon, je peux prendre un autre exemple. Donc si vous prenez une cuillère et que vous mettez de l'eau dans cette cuillère, à un certain moment, vous allez arriver au bord de la cuillère. Maintenant, imaginez que vous continuez à verser petit à petit des gouttes d'eau. Donc en fait, l'eau, elle va pas se mettre à couler tout de suite. En fait, on va avoir une petite surface un petit peu bombée et l'eau ne coule pas de la cuillère. Donc évidemment, ça se fait jusqu'à une certaine limite. Mais c'est quand même un phénomène qui est fascinant. Donc on appelle ce phénomène la tension superficielle, d'où le mot tensioactif. C'est ce qui caractérise le phénomène de tension exercée entre deux surfaces. Donc comprenez par là, c'est la tension que subit la goutte à sa surface. Eh bien le rôle des tensioactifs dans le shampoing, c'est de former des bulles d'air, de gaz dans le shampoing. Mais comment ça marche exactement ? C'est pas le tout de dire que de l'air est emprisonné, mais par quel principe physico-chimique ça a lieu ? Alors pour vous représenter un tensioactif, il faut que vous imaginiez une corde. Donc sur l'une des extrémités de la corde, imaginez qu'il y a une bouée, style bouée de mouillage, pour les bateaux. Et que donc, une fois qu'on le met en contact avec de l'eau, elle essaie de remonter à l'air. Cette partie, elle est dite hydrophobe. Hydro pour l'eau et phobe pour la peur. Alors que de l'autre côté, on a juste le bout de la corde, qui lui, dès qu'il est à la surface, tombe peu à peu dans l'eau. On parle de partie hydrophile. Hydro pour l'eau, encore une fois, et file, qui désigne l'amitié, donc qui est ami avec l'eau. Ainsi, vous l'avez donc compris, un tensioactif dans l'eau a une partie qui baigne dans l'eau et l'autre dans l'air. Et cette corde, elle fait donc la liaison entre ces deux surfaces. Dans le shampoing, on retrouve ce phénomène-là. Mais cette fois-ci, c'est pas une bulle d'eau, mais une bulle d'air qui ne s'écrase pas dans l'eau. Pour cela, on a des centaines de tensioactifs qui se retrouvent à la surface de la bulle d'air, et on a donc la partie avec la bouée, donc partie hydrophobe, qui vient du côté de la bulle d'air, et la partie sans la bouée, donc hydrophile, qui s'attache à l'eau. Et l'ensemble des bulles d'air formées forment cette mousse que l'on considère tous comme la vente dans le shampoing. Donc du coup, maintenant que vous savez ça, est-ce que vous pensez que la mousse est toujours synonyme de qualité pour un shampoing ? Et est-ce que vous allez maintenant vous baser sur de nouveaux critères pour choisir un shampoing pour savoir s'il lave bien ? Moi, je pense que je me baserai sur de nouveaux critères tels que son engagement au niveau de l'environnement et pas que sur l'odeur et sur la mousse. Moi, je suis plutôt d'accord avec Léa. Au vu de ce que tu as dit, je pense qu'on a tous compris que maintenant, la mousse, ça ne sert pas à grand-chose dans le savon. Ouais, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, mais même si intuitivement, à titre personnel, je pense que ça continuera quand même de me rassurer de voir qu'il y a de la mousse, même si ça sert pas forcément. Alors du coup, maintenant, on va écouter un petit peu la réponse des gens qu'on a pu interviewer dans la rue. Je vais me baser sur d'autres critères, parce que vos arguments sont pertinents et vont me faire changer d'avis, et j'aurai une autre vision du savon à partir d'aujourd'hui, du coup, merci beaucoup. Je préfère que ce soit des produits écologiques, et que le savon soit éco-responsable, et s'il lave suffisamment, ça me convient. Déjà, pour un shampoing, j'essaie de prendre pas d'emballage, donc c'est un shampoing solide. Donc qu'il mousse ou pas, je m'en moque un petit peu, mais j'essaye de faire en sorte que ça réponde à des critères sur la biodiversité, sur l'écologie, que ça ait moins d'impact sur l'environnement. Sur la mousse qui possible qu'il pourrait y avoir, le mieux ce serait qu'elle pollue pas derrière, quoi. Alors en vrai, je vous ai un petit peu menti. Donc si on met des tensioactifs dans les détergents, savons et autres, c'est aussi parce que ça a une utilité dans le lavage. Mais le seul point que je voulais soulever, c'est que la mousse, c'est pas signe d'efficacité dans le lavage. Prenons l'exemple de la lessive. Une lessive qui mousse, je suis pas sûr que ce soit vraiment adapté pour un lavage sur ma machine ou la vôtre. Si ça mousse de trop, ça risque de s'évacuer par tous les trous de la machine. Et pour éviter justement la mousse dans cette lessive, on rajoute des petites impuretés. Alors par impureté, ne comprenez pas que la lessive que vous achetez est sale, mais simplement que des particules solides sont ajoutées pour faire éclater ces bulles d'air. Ainsi, la capacité lavante des tensioactifs est conservée, mais pas sa fonctionnalité moussante. Merci à Axel pour cette chronique. Donc maintenant, je saurai quel point je dois privilégier pour acheter mon savon. On se retrouve dans un court instant après l'écoute de Zombie de The Cranberry. Vous écoutez Fadjet sur 94.2. We Vous êtes de retour sur l'émission Mission Impossible sur Fadjet. Si vous venez tout juste d'arriver, Laurie nous a parlé de la dialyse et Axel est en soins actifs. Si vous avez raté une de ces deux chroniques, vous pouvez les retrouver sur nos réseaux sociaux. À présent, Thibaut va vous parler du dihydrogène. Oui, alors, figurez-vous que l'idée de cette chronique m'est venue sur le trajet lorsque je suis rentrée de chez mes parents, en covoiturage. Je pense que vous êtes tous au courant que l'homme va devoir faire face à de nombreux défis au cours du 21e siècle. La transition énergétique et le réchauffement climatique en font bien sûr partie. Avant de commencer, je vais m'adresser à tous les trois, est-ce que vous avez quelques idées sur les utilisations du dihydrogène? Est-ce que vous êtes un petit peu au courant? Pas spécialement, non. Alors moi, j'en ai entendu un petit peu parler, dans tout ce qui était problème avec le réchauffement climatique, etc. Mais j'ai pas plus d'informations là-dessus. Ok. Un peu comme Axel, pas trop d'informations dessus. Ok, parce que moi, à titre personnel, je savais que certaines voitures, certains véhicules roulaient grâce au dihydrogène qui pouvait donc être utilisé comme un carburant. Donc pour commencer, je vais vous faire une rapide présentation sur l'hydrogène. Donc sur Terre, c'est un gaz, l'hydrogène, ou le dihydrogène, on l'appelle parfois hydrogène par abus de langage, mais c'est la même chose. C'est un gaz inodore, invisible, et c'est l'élément chimique avec une densité énergétique très élevée. Il faut savoir que 1 kg d'hydrogène contient autant d'énergie que 3 kg d'essence, donc vous comprenez rapidement pourquoi une bonne maîtrise de cet élément représente un enjeu important et pourquoi il y a autant de projets et d'études qui sont menés autour de ce constituant. Est-ce que, du coup, vous connaissez un petit peu les utilisations qu'on fait du dihydrogène ? Moi, je sais qu'on l'utilise... il y a eu une étude, il me semble, sur l'utilisation du dihydrogène au lieu de... à la place du carburant, mais je ne suis pas sûre. Oui, effectivement. Donc, ça peut être utilisé en tant que carburant. Ça peut également être utilisé en tant qu'agent désulfurant. Donc, en fait, c'est pour enlever le soufre présent dans les hydrocarbures. Parce qu'en fait, il faut savoir que pour qu'un kérosène, un gasoil ou de l'essence puissent être vendus, il faut que la teneur en soufre ne dépasse pas une certaine norme pour tout simplement pour respecter l'environnement, pour pas trop polluer. De plus, l'électricité excédentaire peut être transformée en gaz hydrogène lorsqu'on la fait réagir avec de l'eau, et le gaz qui est produit peut être réinjecté dans le réseau directement, donc c'est une technique qu'on appelle le power to gas, donc power électricité to gas transformé en gaz. C'est également utilisé dans la synthèse de l'ammoniac, donc dans le domaine de l'agriculture pour la production d'engrais, et dans une moindre mesure dans les industries de la verrerie et de la métallurgie. Est-ce que vous connaissez un petit peu les différentes méthodes de production qui existent pour produire le dihydrogène ? Alors moi je me rappelle un petit peu quand on était au lycée, on en avait produit, je crois avec, c'était un TP, avec de l'eau on arrivait à séparer l'hydrogène de l'oxygène, mais sinon j'en ai aucune idée. Très bien. Alors en fait aujourd'hui il faut savoir qu'en gros 96% du dihydrogène produit dans le monde l'est à partir d'hydrocarbures, donc à partir de pétrole, de gaz naturel ou de charbon, tout simplement parce que c'est la solution la moins coûteuse, mais cette solution comporte un inconvénient majeur, elle produit énormément de CO2, elle rejette énormément de CO2 qui est un gaz à effet de serre, donc c'est pas terrible pour la planète. En fait il y a trois techniques, les deux premières sont à peu près similaires. Elle consiste à faire réagir du méthane avec de la vapeur d'eau. Donc le méthane, c'est un gaz avec de la vapeur d'eau, et on produit du dihydrogène. Et la troisième, qui est légèrement différente, qui consiste en fait à faire chauffer du charbon de bois à une température très élevée, aux alentours de 1500 degrés Celsius, et qui permet de produire du dihydrogène. Mais comme je vous l'ai dit, ce sont trois techniques très polluantes qui, en fait, pour chaque kilo d'hydrogène produit, rejettent dans l'atmosphère 11 kilos de CO2. Et il existe une alternative plus verte. Donc je pense que c'est celle dont Axel parlait, celle à laquelle il faisait allusion. C'est une technique d'électrolyse, donc c'est un mot compliqué pour dire, en fait, c'est ce qu'Axel a dit, on part de l'eau comme matière première et on sépare les atomes d'hydrogène et d'oxygène, et ça permet de produire du dihydrogène de manière un petit peu plus écologique. Le principal inconvénient étant que c'est une méthode plus chère, qui est 4 à 5 fois plus chère que les méthodes citées précédemment. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, c'est un constituant d'avenir, l'hydrogène, qui fait l'objet de nombreux projets et qui suscite beaucoup d'intérêt. Donc il faut savoir qu'aux Pays-Bas, il y a un projet qui s'appelle NordH2, qui est le plus grand projet européen et qui consiste à produire de l'hydrogène vert à partir du réseau d'éoliennes offshore présent aux Pays-Bas. Donc les éoliennes offshore, ce sont les éoliennes présentes dans la mer, le long des côtes des Pays-Bas. Et il y a également le plan hydrogène qui vise en fait à ce que 10% de l'énergie utilisée par les industriels soit produite à partir d'hydrogène d'ici 2023, et 40% à l'horizon 2028, toujours dans cette optique de lutter contre le réchauffement climatique et contre l'émission de gaz à effet de serre. Merci Thibaut pour ta chronique, je suivrai de manière attentive la suite du projet sur le dihydrogène. On se retrouve dans un court instant après l'écoute de Stand on the World. Restez à l'écoute pour ne pas manquer notre quiz. Vous êtes de retour sur l'émission Mission C'est Impossible sur Fadjet. Si vous venez tout juste d'arriver, Laurie nous a parlé de la dialyse, Axel des tensions actives et Thibaut du dihydrogène. Si vous avez raté une de ces trois chroniques, vous pouvez les retrouver sur nos réseaux sociaux. Donc je tiens d'abord à remercier nos trois chroniqueurs pour leur chronique d'aujourd'hui. Et pour finir l'émission, nous vous proposons un petit jeu. Le principe est simple. C'est de savoir laquelle de ces trois propositions est vraie, le sujet abordé ici et les accidents industriels. Voilà, donc c'est moi qui vais introduire le jeu. Donc je vais vous citer trois potentiels accidents industriels qui auraient pu arriver sur une production de dihydrogène. Donc ce dont vient nous parler Thibaut. Donc il y a une proposition qui est vraie, les deux autres qui sont fausses, et je vais vous demander d'essayer de trouver la vraie. Donc la première proposition, c'est une explosion qui aurait eu lieu dans une station de production de dihydrogène au moment du stockage du dihydrogène dans un camion-citerne. Donc il y a eu zéro blessé, zéro mort. La deuxième proposition, c'est une explosion dans un lycée, donc durant la production de dihydrogène. Donc c'était pendant une séance de TP, comme nous on a pu faire quand on était au lycée. Et il y a eu trois blessés. Et la dernière proposition, c'est une explosion d'une voiture qui était alimentée à partir d'hydrogène. Donc en fait, il y a une flamme qui est sortie du véhicule et il y a eu un accident du coup parce que les conducteurs ont paniqué. Et il y a eu un mort et un blessé grave. Moi, personnellement, j'opterais pour la première proposition. Ok, donc l'accident industriel... J'hésite entre la... Pareil, entre la première et la troisième, parce que la deuxième, ça me paraît trop gros pour un accident qui pourrait arriver dans un lycée pour un simple TP. Je pense pas que ça puisse prendre de telles proportions. Moi, je suis plutôt d'accord avec Thibaut. J'hésite aussi entre les deux. Parce que, comme il a dit, en TP, je pense qu'au lycée, il n'y a pas des grosses quantités de matière pour que ça provoque vraiment une explosion aussi importante pour faire trois blessés, justement. Bon, ok. Bon, j'ai l'impression que vous n'êtes pas trop mouillé, mais vous avez raison. Donc, en fait, c'était la première proposition. Donc, c'était bien une explosion dans une station de production de dihydrogène. Donc, c'est un accident qui est arrivé en Norvège, donc le 10 juin 2019. Donc, apparemment, d'après l'enquête, il s'agirait d'une fuite qui, pendant le transport du dihydrogène vers le camion, a entraîné une nappe de gaz et qui s'est enflammée à l'air. Donc, miraculeusement, l'incident n'a causé que des blessés légers. Donc, en fait, c'est pas du tout des blessés non plus qui étaient dans l'usine. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que la déflagration était tellement intense que les airbags des voitures d'à côté se sont déclenchés. Donc, du coup, il y a eu des petits accidents de voiture. On voit que sur la production dihydrogène, même si c'est un projet qui est d'avenir, comme nous a dit Thibaut, il est vrai que ce genre d'accident ralentit énormément le développement de ces technologies. Donc on a eu notamment pour Toyota et Hyundai des stops dans les livraisons des premiers modèles de voitures à hydrogène, ainsi que la fermeture de toutes les stations norvégiennes de production de dihydrogène avant les conclusions de l'enquête. Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez retrouver les chroniques proposées aujourd'hui, vous pouvez les retrouver sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou même sur YouTube en podcast sur les pages suivantes, Mi-Science Impossible. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle émission.